Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM. Nous sommes le mardi 13 juillet 2021, nous sommes en direct, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même, c'est Chris. Et vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone, toujours dans le cadre du partenariat qui existe entre Radio Gémozo et l'agence d'artistes Le Bureau de Lilith, Guillaume, chanteur du groupe Les Idiots, qui est là pour nous parler de l'histoire du groupe Les Idiots et de leur premier album intitulé « Tout le monde le sait » entre autres. Donc bonjour Guillaume. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, écoute, je suis en vacances. Parfait. Donc, nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter en quelques mots? Eh bien, écoute, je m'appelle Guillaume. Comme tu l'as dit, je suis le chanteur des Idiots, un groupe de chansons. Et puis, je chante également dans un groupe qui s'appelle Opium du Peuple. Voilà, ce qui est un groupe plutôt qui est plutôt un spectacle rock autour de la chanson française. Et ça fait une petite trentaine d'années que c'est mon boulot en fait quoi. D'accord, donc tu as la chance de vivre de la chanson, du coup de la musique. Oui, voilà. Ça a été un petit peu plus compliqué cette année, mais comme pour à peu près tout le monde. Bien sûr. Mais oui, c'est mon taf quoi. Parfait. Donc maintenant, peux-tu présenter le groupe Les Idiots en quelques mots toujours? Alors Les Idiots, c'est un trio de chansons, guitare, voix, accordéon. On a commencé en duo, j'ai commencé en duo avec Michael Garcia qui donc s'occupe de la composition et moi je m'occupe des textes. Et puis il y a 2 ans maintenant, Arthur Bacon nous a rejoint, c'est un formidable accordéoniste qu'on a croisé sur la route en fait sur un festival et on s'est bien entendu et quelques mois après notre rencontre il a commencé à jouer avec nous. Et voilà, moi j'habite à côté de Toulouse et l'accordéoniste Arthur est à Marseille et Mika est au Pays Basque. Donc voilà, on n'est pas un groupe de voisins, on va dire. Donc du coup, c'est pas trop compliqué de se réunir pour répéter, par exemple? Eh ben écoute, non, ça va, on n'a pas un rythme de répète qui soit, tu vois, style tous les jeudis soirs ou des choses comme ça, bien évidemment. Mais on se fait des sessions en fait de plusieurs jours. Avant des groupes de dates, on a des périodes de répète qui sur tu vois une semaine, des choses comme ça. Quand on bosse sur des nouvelles compos, la même chose. Et puis autrement, les studios, les trucs comme ça, des petites résidences quoi en fait. D'accord, donc vous trouvez toujours moyen de vous arranger tous les trois du coup. Oui, carrément. Ok. Donc déjà, avant d'aller plus loin, je tenais à remercier et à saluer, comme toutes les semaines, Géraldine de Le Bureau de Lilith, la structure d'accompagnement et de promotion de projets émergents de musique actuelle, car c'est justement Géraldine qui nous a mis en contact. Donc si jamais elle nous écoute, bonjour Géraldine et merci Géraldine. Voilà. super efficace Géraldine. C'est vrai. Donc avant de parler de ta carrière, de la carrière du groupe Les Idiots et du premier album du groupe à proprement dit, quel a été ton parcours personnel à toi? Donc comme tu l'as dit, tu fais de la musique depuis 30 ans, mais auparavant, est-ce que tu as fait des études musicales ou est-ce que tu ne t'es dirigé vers la musique que plus tard? En fait, à la base, je me dirigeais vers l'histoire-géographie. Je voulais devenir prof d'histoire-géo et puis au lycée... je crois que c'était ma dernière année de lycée, j'ai rencontré on a commencé à faire de la musique avec des potes de lycée quoi, comme souvent ça se fait. Et puis je suis parti à la fac l'année suivant le bac et je n'ai fait que mes 2 premières années. J'ai arrêté au bout des 2 premières années parce que la musique a pris vite beaucoup de place et du coup c'est devenu je me suis dit plutôt que de faire des études d'histoire géo, je vais faire des études de musique. Mais ça voulait dire, c'était plutôt dans le sens faire des études, faire de la scène et faire des concerts et je vais tâcher d'en faire mon métier le plus rapidement possible et voilà, plutôt que voilà, c'est des études un peu longues aussi hein, mais bon tu vois c'était pas un conservatoire ou des trucs comme ça. Je sais pas lire la musique, je sais pas l'écrire, je sais écrire des textes en fait et j'ai une voix qui plaît bien aux gens donc ça permet de ça m'a permis d'en faire mon métier. Mais ouais voilà, tu vois, je suis pas j'ai joué un peu de basse à une certaine période. Mais j'ai vite arrêté parce que je me suis dit qu'il y a des gens qui faisaient beaucoup mieux que moi. D'accord. Donc voilà, mais ouais, je suis pas. Je me considère comme musicien malgré tout, peut-être à tort, mais en tout cas, voilà, je fais des trucs qui fonctionnent et voilà, je donne du bonheur aux gens qui viennent voir mes projets, quoi. D'accord. Et donc justement, comment tu décrirais ton style de musique et le style de musique du groupe Les Idiots du coup? Bah au départ c'était prévu pour être un groupe de chansons vraiment. D'accord. Comme on vient plutôt du rock en fait, il y a plein de gens qui nous ont dit mais là c'est vraiment vous avez quand même une grosse part de musique rock dans ce truc là donc voilà c'est de la chanson réaliste rock on va dire. Ça marche ça? Oui, ça fonctionne. Donc comme annoncé en introduction, l'album du groupe, donc Les Idiots, c'est tout le monde le sait, donc c'est le premier album du groupe, mais est-ce que tu avais quand même auparavant d'autres projets avec Les Idiots, comme des EP ou autres, ou pourquoi pas des projets en solo? C'est la première fois en fait, ça fait très longtemps que je voulais le faire. D'accord. Mais ça m'a pris du temps. Alors je sais pas. J'ai joué au départ dans pas mal de groupes de punk rock en fait. Et déjà je voulais essayer de faire des trucs, essayer de faire de la chanson. Et après j'ai créé un projet qui s'appelle Opium du Peuple, donc qui existe tout le temps encore, avec lequel je fais des concerts encore très régulièrement. Tu vois, là la semaine prochaine on va reprendre les dates. Ce projet a pris beaucoup de temps et du coup je me suis attelé à ça et j'ai mis un petit peu mon projet chanson de côté. Et il y a un moment où le groupe a pris un petit peu Opium du Peuple a pris ses habitudes, ses marques et tout, et je me suis dit maintenant c'est cool, je peux faire ça à côté et j'ai le temps de le faire. D'accord. Et donc maintenant on va rentrer directement dans le vif du sujet, donc l'album, tout le monde le sait. Quand est-ce que cet album est-il sorti? Ah bah il est sorti au début du second confinement. C'est bien, on peut parler. Les confinements, ça donne des repères dans le temps. Oui. C'est facile comme ça. Mais pour l'instant, il n'y en a pas eu trop, donc ça va. Donc il est sorti au début du deuxième. Il devait sortir au début du premier. D'accord. Mais c'était prévu de longue date et du coup la crise sanitaire s'est pointée, nous est tombée dessus. On s'est dit on va pas le sortir maintenant. Honnêtement, je t'avouerais que quand le truc est arrivé, moi j'étais persuadé qu'on pourrait quand même jouer quelques mois après et tout, et que ça allait être formidable, et que c'était juste repoussé de quelques semaines ou quelques mois. Et puis on n'a pas du tout joué. Et on a fait quelques dates en septembre parce qu'on avait encore le droit, en septembre 2020. Et puis après, tout s'est refermé à nouveau. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait quand même sortir l'album parce qu'il fallait avoir une actualité. Puis on n'avait pas à le garder non plus des lustres. Quoi. Donc on l'a sorti au mois de novembre. D'accord. Donc en préparant mes questions, j'ai écouté l'album du groupe Les Idiots. Et pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent actuellement, pourquoi ce titre de Tout le monde le sait? Quelle était la volonté derrière ce titre, donc Tout le monde le sait du coup? Si tu veux, à la base, on a fait sur cet album une adaptation. C'est que des compos, en fait, en général, qu'on fait. Et il y a une adaptation d'un morceau de Leonard Cohen qui s'appelle Everybody Knows sur l'album, en fait. D'accord. Et du coup, l'adaptation, on l'a appelée Tout le monde le sait. Je dois dire que quand... Enfin, on a... On cherchait un peu un titre, on voulait pas forcément à la base un titre qui soit d'album, qui soit un titre de morceau. Mais en fait, si tu veux, tu as écrit sur le CD, tout le monde le sait, c'est le titre officiel, on va dire. Et à l'intérieur, sur l'album, il y a marqué « Mais tout le monde s'en fout ». D'accord. Parce que, on s'est amusé avec le groupe, probablement... quand on était sur la route ou je sais pas avec Mika et Arthur on a déliré là-dessus et puis ben ouais c'est vrai que c'est pas con, on se dit oui effectivement tout le monde sait ce qu'il faudrait faire pour que ça se passe un petit peu mieux au niveau de la société, au niveau de ces choses-là, au niveau du comportement des gens les uns par rapport aux autres, c'est pas grand chose, tout le monde sait à peu près comment faire pour que ça aille mieux au niveau de l'environnement, tout ça, mais en fait tout le monde s'en fout. Et du coup ça continue et à chaque fois tous les ans t'as des gens qui disent la pendule de l'extinction humaine c'est encore progressé de 3 minutes alors qu'elle aurait pu progresser que de 20 secondes. Tout le monde est bien d'accord pour dire que c'est con, mais quand il s'agit d'arrêter d'aller bouffer au McDo ou de faire attention à ce que tu fais avec tes déchets ou d'être un peu plus cool avec les gens et de pas leur gueuler dessus, les traiter de connards parce qu'ils viennent de mettre un pied sur un passage pour piéton alors qu'ils n'avaient pas le droit. Enfin, tu vois, voilà, tout un tas de trucs comme ça. D'accord. Bien évidemment, les gens qui gouvernent savent, faudrait vraiment qu'ils soient complètement cons pour pas savoir ce que veulent les gens qui n'ont pas de pognon, c'est-à-dire d'en avoir un petit peu plus. Ils pourraient leur donner, mais non, en fait, ils le font pas. Voilà. En gros, personne n'est dupe quoi de ce qui se passe. Alors, c'est pas une idée très très rigolote, mais on n'a jamais dit que les idiots, c'était un groupe très très rigolo, quoi. On est rigolo quand on nous voit. On est rigolo quand les gens nous entendent parler entre les morceaux. Et les chansons sont plutôt... c'est plutôt de l'humour noir que de l'humour tout court, quoi. D'accord. Et donc, justement, pourquoi ce nom de groupe Les Idiots ? Les Idiots, c'est venu... Il y a un film qui s'appelle Les Idiots de Lars von Trier que j'avais trouvé formidable. D'accord. C'est des gens qui font semblant d'être idiots en fait, alors qu'ils ne le sont pas du tout. Et ils font semblant d'être idiots. Et ils finissent par se complaire dans cet état-là. Et ils préfèrent rester comme ça. Ça leur permet de supporter plus facilement tout le reste, en fait. Donc je trouvais l'idée assez intéressante. Et puis il y a un autre film qui n'a rien à voir, qui s'appelle Idiocratie aussi, que peut-être tu connais. C'est l'histoire vague d'un mec qui va dans l'espace et en fait il se passe une couille et il revient sur Terre des dizaines d'années plus tard et la société est devenue complètement con, il suffit de péter à la télévision et ça fait rire tout le monde, le président des États-Unis et je sais plus quoi, un acteur, enfin tout, mais c'est au final... Ça paraissait idiot, mais on n'est pas si loin que ça. Tu vois, les agriculteurs arrosent leur culture avec du gâteau raide et se demandent pourquoi ça pousse pas. Donc lui, il devient un peu le génie d'une époque, parce que même s'il est un peu crétin à la base, quand il revient sur Terre, il se rend compte que tout le monde est devenu vachement plus crétin que lui, et du coup, il sauve la planète, quoi. Rien qu'en disant qu'il faut de l'eau pour arroser une plante. D'accord, ok. Donc voilà, et puis voilà. C'est une raison du choix. Après, c'est marrant de se dire que t'as un nom qui est pas facile à porter. Oui, oui. Donc, pardon, il est 14h15. Avant d'approfondir le sujet, je te propose de nous lancer tout de suite dans une toute première fréquence musicale, comme j'aime à l'appeler, dans un premier extrait de l'album, et que nous écoutions le morceau intitulé Funérailles. C'est d'ailleurs le premier morceau de l'album, c'est ça ? Ouais. On s'est dit allez, on va commencer très fort. Le choix du premier morceau sur un album, c'est toujours important. Et on s'est dit on a un morceau qui parle d'enterrement, c'est plutôt pas mal. Mais c'est loin d'être le morceau le plus triste, bien au contraire de l'album. Quoi. D'accord. Est-ce qu'on a le droit à un clip sur internet de cette chanson ? Oui, on a fait ça. Ok, il faudra. On a fait ça. On a fait ça. En rentrant de tournée, une amie qui s'appelle Mélanie Minot nous a réalisé, a cadré, a réalisé ce clip formidable. On avait, on avait 3 heures pour faire toutes les prises vidéo et elle a super assuré et du coup c'est à voir sur YouTube bien évidemment. Tout simplement. Donc du coup on écoute Funérailles du groupe Les Idiots et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite super. Sur Radio Gamozo. Ça sous la flotte, avec des gens qui font la gueule, une veuve en noir qui sanglote, et puis qui finit toute seule. Moi je voudrais pas qu'il y ait mal donne, le jour où je vais calancher, le jour où je passe l'arme à gauche, voici mes dernières volontés. Je veux qu'on s'amuse comme des fous, courant son tour de la cajou, une dernière fois être fier, le jeu de ma mise en pierre, qu'on écoute du Morricone, et puis qu'on un western, qu'on se souvienne ad vitam, que mon nom c'était personne. Je veux de l'amour et des guitares, de l'agneau et des pétards, et puis un truc un peu ringard, style mon vieux de Daniel Guichard. Je veux que tout le monde ait la classe, des grands crus de la vidasse, et comme je suis sourd pour de bon, envoyer les accordéons. Désolé, je voulais pas partir. C'est de cette dernière nuit blanche qu'il faudra vous souvenir. Désolé, désolé, je voulais pas partir. Mais même mort et enterré, je veux vous entendre taper du pied. Même mort et enterré, je veux vous entendre taper du pied. Je veux pas de curé ni de messe, mais le plus beau des Wall of Death. Je veux qu'on se raconte des histoires juste entre les larmes et le rire. Je veux des copains en veston et puis des copines en talons. Je veux voir Chouchou en perfecto, tout le monde soit sous, tout le monde soit beau. Je veux que ça se finisse en orgie, tout le monde les cheveux en bataille, et que 9 mois après la date, il y ait plusieurs mamans qui braillent. Désolé, désolé, je voulais pas partir. C'est de cette dernière nuit blanche qu'il faudra vous souvenir. Désolé, désolé, je voulais pas partir. Mais même mort et enterré, je veux vous entendre taper du pied. Même mort et enterré, je veux vous entendre taper du pied. Je veux qu'on chante Lumberjack, qu'on se raconte le sens de la vie. Pour une fois, je veux vous prouver que je peux dormir sans ronfler. Je veux te voir danser ma princesse, valser jusqu'au matin. Que les souvenirs et l'ivresse te fassent oublier le chagrin. Je veux qu'on se quitte mais pas vraiment, comme les amours, les amants. Qu'on se dise tout ça c'est banal, on finira tous sous la dalle. Puis je veux me réveiller d'un coup et vous dire que c'est pour de rire. Et puis vous expliquer que là-haut, ils m'ont dit que je pouvais revenir. Désolé, je voulais pas partir. C'est de cette dernière nuit blanche qu'il faudra vous souvenir. Désolé, désolé, je voulais pas partir. Mais même mort et enterré, je veux vous entendre taper du pied. Même mort et enterré, je veux vous entendre taper du pied. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h20, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line ou Orange Radio et même désormais sur notre nouveau site internet https://radiogamozo.radio-website.com/partout-en-France. Vous venez d'écouter Les Idiots avec leur morceau Funérailles tiré de l'album du groupe intitulé intitulé « Tout le monde le sait ». Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Et bien sûr, nous vous souhaitons une bonne route. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Guillaume du groupe Les Idiots, justement, qui est là pour nous parler, entre autres, de cet album. Ça va toujours ? Oui, ça va très bien. Parfait. Donc, avant de reprendre cette émission, y a-t-il quelque chose en particulier que vous souhaitiez raconter donc, avec Les Idiots à travers ce morceau « Funérailles » ? Ben, écoute, moi, c'est un truc... vraiment, les gens viennent, mais c'est un groupe qui est sur-triste, en fait. Mais, en fait, j'ai un gros souci avec la mort, c'est que j'aime pas trop ça. Et du coup, c'est une grande peur chez moi de voir les choses s'arrêter, et j'arrive pas à gérer ce truc-là, en fait. Je pense très, très souvent au moment où tout ça va devoir s'arrêter pour moi. J'ai pas envie parce que j'adore tout ce que je fais, j'adore tous les gens que je connais, j'adore mes filles, enfin voilà, j'aime cette vie-là et du coup, j'ai beau me dire que j'ai encore plein de temps, et ben je suis déjà persuadé que ce sera trop court au bout du compte. Donc voilà, et puis ben, c'est en pensant à ça où je me suis dit, tiens, ce serait rigolo de faire une chanson sur le fait que je meurs et... bien prévenir les gens, c'est une sorte de, tu vois, de petit testament et tout, en disant ben voilà, faites pas la gueule parce que bon déjà que moi je fais la gueule maintenant pour un moment, vous avez qu'à vous amuser et c'est ce qui me fera le plus plaisir en fait là où je suis. Et voilà, mais même ça, même à la fin de la chanson, tu vois, j'arrive pas à, et je dis qu'au final je ressuscite quand même. Bon, c'est pas du tout. Mais enfin, je me prends pas pour Dieu, hein. C'est juste que je me dis, bon, bah, allez, hein, c'est justement, ils sont forcément bourrés, hein. c'est pas encore le moment, et puis je reviens pour faire la fête avec les copains, quoi. Donc voilà, et Mika a très très bien su, comme toujours, mettre en musique ça, parce que moi je fais les paroles, lui il fait la musique, et ça se passe souvent dans ce sens-là, j'écris les textes, et après je lui soumets les textes, et il m'envoie des trucs avec des idées de morceaux, des trucs de musique qu'il a en tête et tout, des petits guides, des trucs comme ça, et on se met d'accord, et encore une fois c'était très bien senti, j'ai adoré recevoir sa proposition. D'accord. Donc on va reprendre le cours de cette émission. En faisant mes recherches, en préparant cette émission justement, j'ai eu l'occasion de lire que l'aventure du groupe Les Idiots a commencé à Albi, dans le Tarn, en région Occitanie. Donc ma question va être très simple, pourquoi la ville d'Albi ? Parce que c'est là que j'habite. Ah bah tout simplement, d'accord. C'est là que j'habite et c'est moi le chef. D'accord. Donc c'est l'idée comme de... Comme je te disais tout à l'heure, on est tous d'un endroit différent, donc... comme un peu tout ce qui est et administration et histoire du groupe et tout ça, mais tout enfin, tu vois, c'est plus on a mis un seul endroit comme naissance du groupe plutôt que trois, et en fait voilà, c'est plutôt Albi et alentour, quoi. D'accord. Donc justement, l'idée de monter le groupe Les Idiots, elle venait de toi ou est-ce que c'était... elle venait de toi ou alors c'était avec ton partenaire, vous étiez un duo au début, qui avait eu l'idée de monter le groupe Les Idiots. Ah bah c'est gros. Alors là, Mika fait des très belles chansons et tout, fait de la très bonne musique, mais je dois dire que c'est moi qui ai monté le truc, quoi. D'accord. Là, ouais, je pense qu'il me pardonnera sur ce coup-là, et voilà. Mais ouais, carrément, c'est un truc que, comme je te disais tout à l'heure, qui me suivait depuis longtemps, et je voulais absolument le faire. Je l'ai proposé à quelques personnes, bon, ouais, au pif. Bon, il faut, quand je le propose à quelqu'un, en plus, il faut que ce soit assez réactif, en fait, parce que j'aime bien avancer, donc du coup, voilà. Et puis, quand on en a parlé, il a dit oui de suite, et puis, ça s'est fait, quoi. Donc pendant 2 ans en duo et après avec Arthur. D'accord. Et donc toujours en préparant cette émission, et comme tu l'as dit un peu plus tôt dans cette émission, la musique du groupe Les Idiots, c'est de la chanson, on va dire, acoustique avec des petits morceaux de rock disséminés ici et là. Donc pourquoi avoir fait ce choix de mélanger, on va dire, ces deux styles musicaux ? C'est pas un choix, en fait, hein. Moi j'étais persuadé qu'on allait faire de la chanson, mais on a ce côté... on a ce côté rock, ça on l'a d'avant, quoi. Faut croire qu'on a ça dans le sang et que ça se ressent forcément dans ce qu'on fait. Donc on peut pas. On va disons qu'on va faire plus des trucs à la Sanseverino, qui est quelqu'un de plutôt rock aussi, que des trucs à la Benabar, oui, effectivement. D'accord. Donc, mais si tu veux, c'est pas un choix, en fait. C'est même pas. Enfin, ça s'impose à nous, quoi. On fait les choses et on prend des. On a quand même des. Si tu veux, on observe et on est pas. Enfin, on se sert un peu dans les deux trucs, mais j'ai pas l'impression que ce soit volontaire, quoi, en fait. Oui, ça s'est présenté presque comme une évidence. Ouais, voilà, carrément. On réfléchit pas, on le fait très naturellement, et du coup, ça donne ça. Alors forcément, il y a des milieux de chansons françaises, vraiment, sur lesquels, forcément, ça marche pas, hein, parce que si c'est trop chansons françaises, voilà, les gens... Ce que les des gros mots. Hein. Je parle comme un vendeur de bestiaux, donc j'écris comme ça, en fait. Et du coup, je chante comme ça. D'accord. Donc et ça, je peux pas l'enlever. Je peux pas aller contre moi. Si j'ai envie de dire... Si j'ai envie de dire merde, si j'ai envie de dire... Enfin, tu vois... Il y a une chanson où je dis pute. Il y a un ami à moi qui écrit des textes aussi, qui m'a dit... D'accord. Donc ensuite, la musique du groupe... Sur YouTube, t'es obligé de mettre de cacher ce mot-là sur YouTube parce que ça passe pas à la vidéo. Mm-hmm. Ouais, bah, écoute, voilà, moi j'ai eu des amis... Je parle comme ça et je me sens pas de mettre des contraintes par rapport à ça. Surtout que je dis pas non plus une grossièreté tous les trois mois. Hein. Merci. Bon, voilà. Ensuite, la musique du groupe. Oui. Parce que ça coupe un petit peu, donc des fois on a du mal à t'entendre, des fois on t'entend même plus du tout, donc c'est très très étrange comme sensation. Je suis un endroit en vacances où on capte pas très très bien, malheureusement. Ah, d'accord, ok, bon, on va faire avec du coup. Je fais au mieux, hein. Je vais essayer de parler moins vite, parce que je parle vite, et je vais essayer de parler plus près du tuyau. D'accord. Ben, on va essayer de faire ça et puis on verra bien ce que ça donnera du coup. Donc la musique du groupe Les Idiots ne comporte pas trop, je cite, de moments de doute ni de bagages trop légers en soute, juste quelques aventures du quotidien, des écorchures et des moments de vie, des petits bouts de mort joyeuse et de chiens d'ivrogne qui s'ennuient, des nains de jardin en blouson de cuir et des grands patrons qui jouent les filles de l'air, des maîtresses rayonnantes et des amours heureuses. Fin de citation. Ça, c'est ce que j'ai eu l'occasion de lire dans le dossier de presse que Géraldine du Bureau de l'élite m'a gentiment envoyé en amont de cette émission. Donc, est-ce que c'est vraiment là ce que tu souhaites raconter avec Les Idiots au travers de tes morceaux? Ouais, ouais, carrément. C'est le sens de ce petit descriptif est très très juste, quoi, tu vois. C'est un peu ce qu'on est de ce que je te disais tout à l'heure, quoi. C'est des mélanges de tranches de vie, des anecdotes de vie de personnages, des trucs comme ça, et alors forcément il n'y a rien de vrai mais il y a tout de réel, en fait. D'accord. Oui, je crois que je vois la nuance. c'est que des choses vraies qui sont inventées. Voilà, tout simplement. Donc en quelque sorte, bien que ce soit raconté, que tes morceaux soient racontés sous forme de métaphore, on va dire, les sujets que vous traitez dans vos titres avec Les Idiots sont des sujets qui entrent dans la vie de chacune et de chacun, dans les sujets dans lesquels chacune et chacun pourrait se reconnaître. Oui, carrément. Ouais, carrément. Je sais pas si tu connais ce magazine qui parle un peu de chansons, qui s'appelle Hexagone. Il y a un mec qui s'appelle Nick qui écrit dedans et qui est un mec super cool, qui est devenu un ami un peu ce que vous chantez, c'est pas musicalement, c'est pas compliqué, au niveau des textes c'est pas compliqué, ça parle à tout le monde et en fait ça fait du bien parce que ça se branle un peu la chanson et avoir que de la métaphore et des machins comme ça, ça va bien, quoi. Bien sûr. Ensuite, comme tu l'as dit... Toi, ça, tu peux appeler un chat, et plus encore. Bien sûr. Et quand c'est bien fait, il n'y a pas de raison. Tu peux le faire aussi. Exactement. Donc ensuite, je crois savoir, comme tu l'as dit un tout petit peu plus tôt, que tu as, avec les idiots, réalisé cet album avec la complicité d'un de vos amis, dont le nom parlera certainement à nos auditrices et auditeurs, San Severino. Ouais. Oui, ben écoute, ça fait un moment qu'on se croise. Je l'ai connu, moi, au milieu des années 2000, à Albi, où il venait jouer pour le festival Pause Guitare, qui a lieu en ce moment, d'ailleurs. Et après, moi, j'étais le DJ du bar VIP de ce festival. J'ai fait ça pendant quelques années, ainsi que la programmation du off de ce festival. Et le soir, quand j'avais fini la journée sur le off, eh bien, j'allais passer de la musique rock et de la musique à la con aussi dans le truc VIP. Et à un moment, j'ai passé Iron Maiden. Donc, tu vois, on est très loin de la chanson française. Hein. En effet. J'ai passé un morceau de heavy metal et San Severino était dans l'assistance. Il est venu à côté de moi. Il m'a dit, bah, c'est trop cool et tout. Ça fait trop du bien d'entendre ça ici, dans un festival de chansons et tout. Et on a commencé comme ça à discuter. Et on a fini très tard à boire des verres et à fumer des cigarettes. Et puis, ben, c'est resté un pote. Je l'ai recroisé après sur des concerts avec Parabellum, parce que c'était un grand pote de Schultz, le chanteur de ce groupe-là, Parabellum. Donc j'avais recroisé Steph à ce moment-là. Je lui ai demandé de faire une chanson pour un projet de musique rock pour enfants, que j'ai aussi, avec lequel je continue à faire des dates là en ce moment. Et puis, quand on a fait notre première résidence avec les idiots, je lui ai demandé de venir être le coach de cette résidence. Donc pendant une semaine, il est venu, on lui a joué le set, on lui a fait le concert et il nous a dit ouais, ce qu'il trouvait bien, ce qu'il trouvait pas bien, ce que peut-être on pouvait affiner, ce qu'on pouvait creuser, ce qu'on pouvait enterrer définitivement sans plus jamais en parler. Voilà, mais c'était des conseils en fait, si tu veux, hein. C'était pas des ordres, hein. C'était juste. Mais c'était super bien. On était en immersion totale pendant une semaine avec un mec qui a beaucoup d'expérience, qui est très généreux, donc qui fait partager cette expérience avec grand plaisir, quoi. Et du coup, on s'est encore une fois très bien entendu. Donc sur l'album, là, il y a une chanson qu'on avait commencé à bosser à l'époque de la résidence. Je lui ai fait écouter le riff avec le texte et tout. On la jouait pas encore sur scène. Et il nous a dit, putain, ça c'est tout à fait le genre de truc que j'aurais aimé faire, que j'aurais aimé écrire en fait. Donc j'ai trouvé ça cool en fait, venant d'un mec comme lui. Et quand on a finalisé ce morceau-là, on lui a demandé de poser de la grappe dessus. Il a fait un peu la feignasse, mais il a fait la feignasse talentueuse, on va dire. Eh bien, tout simplement, ça tombe bien, car nous allons tout de suite nous lancer dans une deuxième fréquence musicale, dans un deuxième extrait de votre album, enfin de l'album des idiots, et nous allons écouter justement le morceau numéro 6 de l'album, morceau intitulé Lourdes, et que justement les idiots interprètent avec San Severino. C'est exactement ce morceau-là. Voilà. Donc, même question que tout à l'heure, est-ce que, pareil, sur cette chanson, on a le droit à un clip sur Internet ou pas encore ? Est-ce que tu connais la réponse ? Bah, non. Bah, peut-être que dans tes recherches tu aurais pu le voir. Non, il n'y a pas de morceau. Il n'y a pas de clip pour Lourdes en fait. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué de se mettre d'être ok sur une même date, parce que du coup, comme il y a San Severino dessus, on aimerait bien qu'il vienne pour faire le clip. Bien sûr. On a dû faire, tu vois, des choix au moment de la sortie de l'album et tout. C'est-à-dire que Géraldine, nous, par exemple, nous disait, ben, ce serait bien quand même de balancer un morceau avec de l'audio au départ. Et puis ben, on a choisi ce morceau-là avec de l'audio. Donc on a filé le morceau avec San Severino en avant-première de l'album. Du coup, après, ça aurait fait redite de faire un autre morceau, si tu veux, de faire un clip avec ce même morceau. Donc, parce qu'à chaque fois, ils te font faire du neuf quand même. Donc, on écoute ce morceau et on se retrouve juste après. Donc, à tout de suite. Super. Sur Radio Gamozo. Lourdes. En te voyant, mon cœur s'emballe. chaussettes. Heureusement j'ai mis mes sandales lourdes. À côté de moi un pénitent sirote sa pinte tranquillement. Il aurait bien bu un whisky, mais sa femme veut pas et lui dit qu'il n'est que 8h30. Lourde, ça déambule, sa fauteuil roule, des cartes des vaisseaux, les fidèles et la foi sans le fioul. Ça déambule, sa fauteuil roule entre bonne sœur et baba cool. Je me perds dans la foule. Un châle en dentelle, en tenue de cuir et porte-jartelle, le diable lui roulerait des pelles. Lourde, dans une échoppe de Gascon, une grenouille de bénitier discrètement tâte les saucissons. Et tu sais ce qui se cache derrière son sourire polisson. Lourde, s'étale sur les chapelets, les médaillons, les mugs, les cierges, les écussons, plein de types qui vendent des copes, vont des dizaines de prolopes, on trouve de tout. Sauf des capotes. Ça déambule, sa fauteuil roule, les cartes versent les fidèles et la foi sans le fioul. Ça déambule, sa fauteuil roule entre bigotes et skinhead. Je me perds dans la foule. Un tigéricain à la main, on promène le futur défunt pour celui qu'on battra demain. Lourde, ça déambule, sa fauteuil roule, les cartes versent les fidèles et la foi sans le fioul. Ça déambule, sa fauteuil roule entre bonne sœur et baba cool. Je me perds dans la foule. Sur un petit trottoir, une vieille gitane me tend la main. Je m'assois avec elle, elle me dit qu'on lui donne rien. Qu'ici la générosité est vraiment bien ordonnée. Qu'elle passe dans les vierges en plâtre et les Jésus en porte-clés. Déambule, sa fauteuil roule, les cartes déverse les infidèles et la foi sans le fioul. Ça déambule, sa fauteuil roule entre bigotes et skinheads. Je me perds dans la foule. Lourde. Lourde. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct. Il est presque 14h40 déjà. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line ou Orange Radio et même désormais sur notre nouveau site internet https://radioguimozo.radio-website.com/ partout en France. Vous venez d'écouter Les Idiots avec San Severino avec leur morceau intitulé Lourde et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Guillaume du groupe Les Idiots justement qui est là pour nous parler entre autres de leur album intitulé Tout le monde le sait. Est-ce que tu passes un bon moment en notre compagnie, Guillaume ? Ouais, grave, c'est trop cool. Parfait. Trop bien. Donc, nous le savons, la ville de Lourdes est connue pour les sanctuaires Notre-Dame de Lourdes ou pour le domaine, un site de pèlerinage catholique, et pour la grotte de Massabielle où la Vierge Marie serait apparue à une jeune fille en 1858. Donc, même question que pour le premier extrait. Que souhaitais-tu avec du coup le groupe Les Idiots raconter à travers ce titre, Lourdes, est-ce qu'il y avait cette idée de mettre en lumière ce sanctuaire de Lourdes? C'était surtout pour mettre en lumière tout le business qui est fait autour. D'accord. En fait, j'ai été obligé de passer 2 jours à Lourdes parce que j'étais invité sur un festival qui s'appelait. Je sais plus trop. C'était quoi? C'était en travaux ou un truc comme ça. Enfin, il y avait un festival de théâtre de rue, spectacle jeune public et tout ça. Et du coup, j'ai passé 2 jours là-bas. Je me suis baladé beaucoup parce que j'avais 2 spectacles à jouer, donc j'avais du temps entre les représentations. Je me suis baladé, je connaissais déjà, j'étais déjà venu, mais j'ai été baigné pendant 2 jours, donc je me suis arrêté aux terrasses des cafés pour prendre un verre, pour regarder un petit peu, j'ai observé ce qui passait, le côté méga commercial de toute cette aventure là où ils te vendent des bondieuseries. Je comprends que des gens puissent s'attacher à ce genre de choses, mais là c'est vraiment, enfin, c'est un bon business, quoi. Donc voilà, je sais pas, et en fait j'ai écrit la chanson pendant ces 2 jours là avec des choses que je voyais, puis des choses que j'imaginais aussi, mais qui sont toujours pareilles, des choses que j'ai imaginées mais qui sont forcément vraies, quoi. Et puis des choses que j'ai observées, que j'ai un petit peu détournées, que tu vois, souvent, c'est le principe, quoi. Et voilà, et je me disais, putain, ouais, c'est clair, il y a tous ces gens-là, il y a tout cet argent, en fait, parce que c'est ça, t'as un truc par rapport à la croyance, par rapport à la foi, par rapport à ces trucs-là, mais t'as aussi un truc où ça sent le fric, quoi, plein nez tout le temps. Et puis, ben, quelque part, c'est le genre de bled qui peut faire ça et puis en même temps prendre un arrêté anti-vendicité, tu vois. J'imagine la scène. Donc ensuite, dans cet album, nous remarquons que certains titres des morceaux de l'album sont des jeux de mots. On peut citer par exemple les morceaux Lady Gaga pour, j'imagine, Lady Gaga, ou encore La Boule à thé avec le AT écrit ATH. Et pour la boule à thé, la boisson, ou encore déconfiture, ouais, au petit déjeuner avec déconfiture en un seul mot, une déconfiture étant un échec ou une défaite morale. Donc, est-ce que tu dirais qu'à travers la musique des idiots, vous appliquez ce qu'on pourrait dire, ne pas se prendre au sérieux, mais le faire sérieusement? C'est un peu une définition cool, ça, je trouve, de rendre dérisoire des choses importantes, et au moins d'en parler de façon dérisoire, ça les rend pas moins importantes à mes yeux, en fait. D'accord. Ça permet de, et ça les banalise pas non plus, en fait, si tu veux. C'est juste que ça dédramatise. Parce que si tu commences à tout dramatiser, t'as pas fini, vu la merde dans laquelle on se trouve de manière générale, tu vois. Ça fait, je te disais, une semaine et demie, hein, que je suis complètement hors réseau, à part cette interview. Et juste avant de t'avoir, j'étais en train de me balader sur les internets, hein, tu vois, il y a Macron qui a parlé hier soir, et c'est encore plein de merde, les gens s'engueulent entre eux, les gens qui s'apprécient sont en train de se tirer dans les pattes, en voyant pas que l'important c'est pas les masques ou le vaccin, c'est plutôt la réforme des retraites qui va passer en loose day comme ça, comme une lettre à la poste. Et tu vois, au bout d'un moment, faut dédramatiser un peu, ou alors faut se débrancher, tu vois, là j'ai fait ça. En fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus de pandémie depuis une semaine et demie, parce que juste j'ai pas regardé les réseaux sociaux, en fait, et j'ai pas écouté les infos. J'ai vu des amis, on a fait des bouffes, alors bien sûr on a fait attention en allant faire les courses ou machin, ce que tu veux, voilà. Moi je me suis vacciné parce que je trouvais ça cool de le faire, je me suis vacciné et puis j'en suis pas mort. Je pense que je mourrai un jour. Ce sera peut-être de ça, mais alors il y a tellement d'autres choses. Je fume des clopes, alors rien que ça, je crois que je mets plus de poison dans moi que n'importe quel vaccin. Oui. Donc, voilà, c'est éviter de dramatiser les trucs. De toute façon, voilà, ça nous arrive, autant essayer d'en sourire, quoi, un minimum. Bien sûr. il faut voir, faut essayer de, oui, comme tu dis, de dédramatiser, ne pas tout voir en noir, parce que sinon, on n'a pas fini. Ensuite, toujours en préparant cette émission, grâce au dossier de presse que Géraldine de Le Bureau de l'Élite m'a gentiment envoyé, j'ai eu l'occasion de lire, je cite, « Dans le monde des grands, on croise trop souvent des gens bien intentionnés qui savent tout mieux que tout le monde et ne peuvent s'empêcher d'imposer leur façon de mal voir les choses. Des vautours de toutes sortes qui n'aiment rien tant que nous envoyer joyeusement dans le mur. Mais dans le monde des grands, on croise aussi partout où la vie parle fort, où les rires sont hauts et où les mots s'envolent, sans jamais être sûr de retomber, des regards qui refusent de se taire, des voix qui, envers et contre tous les relents nauséabonds, restent debout et mettent le doigt sur des plaies béantes de nos quotidiens fatigués. » Fin de citation. Donc, à travers la musique de Les Idiots, est-ce que tu dirais que vous êtes ces regards qui refusent de se taire, ces voix qui restent debout et mettent le doigt sur les plaies béantes de nos quotidiens fatigués? Ouais, si tu veux, On met le doigt dessus en faisant guili-guili, quoi. D'accord. Je suis pas... Enfin, tu vois... Je suis pas lanceur d'alerte, hein. Des lanceurs d'alerte dans la chanson, il y en a eu des millions. Tu sais, la chanson et la chanson réaliste, comme ça, c'est... Tu te dis que c'est... En fait, ça fait comme un énorme violon qui aurait été posé là depuis des années. Il y a plein de gens, des musiciens, des chanteurs qui se mettent sur le bord et qui font pipi dedans. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on dit pisser dans un violon, en fait, ce qui sert absolument à pas grand-chose. Donc ça soulage, parce que quand t'es celui qui fait pipi, ça soulage toujours un peu. Et du coup, ça change pas la vie, hein, grosso merdo. Hein. Bien ça sûr. Permet d'avancer parce que c'est chiant quand t'avances avec envie de pisser et voilà. Mais on change pas la face du monde avec des chansons. Ce serait bien trop facile, bien trop simple et surtout ce serait déjà fait du coup. Alors que là non, c'est pas fait. Donc ça marche pas. Donc on est juste là pour des plaies béantes. Oui, bon, après c'est très présent, très très très très très très prétentieux de penser qu'on peut faire tout ça en fait. On met des notes, on met des mots. Les notes et les mots, on les trouve cool. Les gens, ils trouvent cool les notes avec les mots. Et puis ben après, on parle du quotidien parce que c'est ce qu'on prend le plus dans la gueule tout le temps quoi. Et voilà. Il y a des choses où on parle un peu de rêver. Il y a des choses où on parle on se dit que c'est de plus en plus dur de le faire. Alors on peut dire des fois pourquoi c'est de plus en plus dur de le faire, mais quand même, c'est, tu vois, voilà, oui, non, ouais, je pense pas que nous sommes dans les idiots les plus engagés et désengagés, hein, tu vois. Je vois. Donc il est... Mais, après, tu vois, je suis pas non plus, on n'est pas complètement... voilà, ce que je te disais, quoi, on montre les choses, on parle des choses telles qu'elles sont... voilà, je suis pas sûr que ce soit un gros éveil des consciences pour les gens. Déjà, s'ils passent trois bons quarts d'heure ou une bonne heure et quart en venant nous voir, je pense qu'on a réussi le truc, quoi. Mmh, en effet. J'ai pas la prétention de me dire putain, on va chanter des trucs et tout, et les gens ils vont sortir, ils seront transformés, ils vont se dire c'est vrai. Alors, en plus, je suis pas grand chose, moi, j'ai pas envie de les persuader. J'ai rien à vendre, moi. Enfin, tu vois, j'ai juste à montrer, qu'on vend notre musique, si, mais, c'est pas, il y a des hommes politiques qui font ça très bien, en fait, quoi, d'essayer de convaincre les gens de penser une chose ou une autre, quoi. Je sais pas si on est réellement là pour ça, en fait, quoi. D'accord. Donc avant d'aller plus loin à nouveau, je te propose une nouvelle fois de nous lancer dans un nouvel extrait de l'album Des Idiots, histoire de reprendre notre souffle, et que nous écoutions cette fois le morceau numéro 3 de cet album, morceau éponyme au titre de l'album, car intitulé « Tout le monde le sait ». Donc voilà, donc je te propose d'écouter ça si ça te va. Super. Ah ben ouais, l'adaptation de Leonard Cohen, donc de « Everybody Knows » de Leonard Cohen. Super. On sait que les dés sont pipés, tout le monde les jette les doigts croisés, tout le monde. monde sait que la guerre est perdue. Tout le monde sait que les bons sont foutus. Tout le monde sait que du berceau à l'hospice, les pauvres restent pauvres et les riches s'enrichissent. C'est comme ça que ça se fait. Et tout le monde le sait. Tout le monde sait que le bateau coule. Tout le monde sait que le capitaine ment. Tout le monde saigne, pleure et se saoule quand tout le monde perd son chien, ses parents. Tout le monde sait que l'argent fait la loi. Tout le monde veut sa boîte de chocolat, le plus gros bouquet. Et tout le monde le sait. Tout le monde sait que tu m'aimes ma beauté. Tout le monde sait que c'est très sérieux. Tout le monde sait que tu ne m'as jamais trompé, mis à part une nuit ou deux. Tout le monde sait que tu fais ça discrètement, qu'ils sont nombreux ceux que tu croises sans vêtements. C'est comme ça que ça se fait. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ça se fait. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est comme ça que ça se fait. Et tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est maintenant ou jamais. Tout le monde sait que c'est toi ou moi. Tout le monde sait que le monde est parfait après une ou deux traces de coca. Tout le monde sait que des enfants meurent encore pour extraire des diamants, extraire de l'or pour vos bagues et vos bracelets. Et tout le monde le sait. Tout le monde sait que la peste arrive. Tout le monde sait qu'elle sera là demain. Tout le monde sait que l'homme et la femme ne sont plus qu'une image de bouquin. Tout le monde sait que la pièce est finie. Il y aura bientôt un compteur sur ton lit qui nous dira c'est parfait. Ce que tout le monde sait. Tout le monde sait que tu vis de misère. Tout le monde sait que tu as du vécu. Depuis la croix sanglante du calvaire jusqu'à la plage de Malibu. Tout le monde sait que le monde se meurt. Jette un dernier coup d'œil au Sacré-Cœur, car ce soir il disparaît. Et tout le monde le sait. Les idiots avec leur morceau Tout le monde le sait sur Radio Gémozo. Il est 14h55, vous êtes de retour, vous êtes toujours en direct et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line et Orange Radio et même désormais sur notre nouveau site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Guillaume du groupe Les Idiots justement qui est là pour nous parler de leur album intitulé Tout le monde le sait. Tout est toujours bon pour toi? Ben carrément. Parfait. Donc il nous reste quelques minutes. Est-ce que si on veut suivre l'avancée de la carrière des Idiots, comment est-ce qu'on peut faire? Eh ben, alors, les fameux réseaux sociaux, hein, toujours pareil. Il y a forcément un Facebook, il y a Instagram, Et il y a un site. Il y a un site internet sur lequel on met des choses aussi. Donc voilà, il y a la plupart des vidéos sont trouvables dessus. Forcément, on a une page YouTube également, mais ça résume pas mal. Le site internet est plutôt complet, donne accès à plein de trucs. Et c'est www.les-idiots.com. D'accord, je connais quasi par cœur. Je mettrai de toute façon les liens du site et de la page Facebook, tout ça, en podcast de cette émission en début de semaine prochaine. Voilà. Si nous voulons nous procurer l'album, tout le monde le sait. Comment pouvez-vous nous faire? Alors, il y a Inouï Distribution. Il est sur toutes les plateformes déjà, parce que plus beaucoup de gens quand même commandent des CD, mais du coup il est sur les trucs Apple, je sais pas, iTunes, Deezer, Spotify, tous ces trucs là. Mm-hmm. Après il est distribué par Inouï Diffusion et par un diffuseur qui s'appelle Deezer 10, donc sur leur site respectif c'est possible de trouver. Et puis on est en train, forcément en venant nous voir au concert aussi, ça c'est pas mal, bien sûr, ça permet de trouver. Et puis on peut aussi on est en train de discuter là avec 10h10 justement pour voir si on risque de sortir l'album en vinyle. D'accord. À la rentrée, là, entre la rentrée là, tout ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place là. Et donc on va lancer des préventes, parce que c'est quand même pour un groupe comme nous qui n'a pas une énorme économie. Mm-hmm. Il va y avoir une partie du truc qui sera financée par la prévente du vignon. On va un petit peu sonder les gens qui nous suivent et c'est une idée qui leur va bien. D'accord. Voilà, tout simplement. Quels sont les projets futurs du groupe? Eh ben, on va commencer à bosser sur un autre album, figure-toi. Ah bah, faudra venir nous voir. Complètement, carrément. Je dois commencer à écrire des morceaux, là. J'ai commencé à écrire des trucs. Alors, j'écris par petits bouts, et en plus, moi, pendant la période Covid, tu vois, j'ai trouvé que c'était pas aisé pour avoir de l'inspiration, parce que c'était pas une période très joyeuse, et du coup, j'avais pas trop envie de d'écrire, en fait. Pas trop réussi à écrire grand-chose. À part des confitures au petit déjeuner qui partent donc de cette période-là, justement, du premier confinement. Mais autrement, j'ai utilisé du bon boulot d'écriture, parce que ça va dans ce sens-là chez nous. Il faut d'abord que j'écrive, et après, Mika peut placer des trucs dessus, et Arthur peut placer des trucs sur ce qu'on fait après. Voilà, c'est souvent ce sens-là. Pour le prochain album, peut-être Arthur va prendre aussi un texte ou deux pour bosser d'abord l'accordéon sur lequel viendra se loger la guitare, mais c'est pas la règle, c'est souvent l'inverse. D'accord. Donc voilà, c'est donc ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc je te remercie une nouvelle fois, Guillaume, d'avoir accepté mon invitation. D'ailleurs, ne quitte pas, je te récupère au téléphone juste après, hors antenne. Cette émission sera rediffusée demain, mercredi à 18h, avec le podcast de cette émission posté certainement au début de la semaine prochaine sur notre page Facebook, car demain je ne serai pas à la radio. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse en musique avec, attendez que je retrouve la musique suivante, donc avec sûrement Graham Nash et son titre, Better Days, juste après le générique. Quant à nous, nous nous retrouvons lundi à 14h, toujours en direct, mais demain, je vous passerai tout de même une rediffusion d'une précédente émission pour ne pas vous laisser sans rien. Cependant, on se retrouve aussi samedi pour une nouvelle édition de À la rencontre d'auteurs, dans laquelle je recevrai par téléphone Virginie Sarah Lou, qui sera là pour nous parler de son ouvrage Feel Good et Tu m'as offert ton soleil. Lundi, dans la nouvelle édition de Fréquence Libre, je recevrai par téléphone également, et à nouveau dans le cadre du partenariat qui existe entre Radio Guémozo et l'agence d'artistes Le Bureau de Lilith, Jeannette Berger, chanteuse, qui sera là pour nous parler de sa carrière et de son album intitulé Jeannette Berger Live, sorti le vendredi 4 décembre 2020. Ça fait beaucoup, mais c'est ça qu'on aime à Radio Guémozo. Donc merci de votre fidélité à Radio Guémozo. Et du coup, je vous dis à samedi. Donc salut et à samedi.